Je vais aller chercher de la laine à laver déjà. Voilà, de la laine blanche. Là, en fait, c'est de la laine de mes moutons à moi, celle-là. Une marmite. De la cendre. Donc là, je vais prendre une vieille chaussette. Et je vais mettre de la cendre dans la chaussette. Dans la chaussette, on va bien la fermer. Et là, je vais mettre un peu d'eau de pluie. Et là, je vais faire chauffer un tout petit peu pour pas mettre la laine dans l'autre. Voilà. On presse bien pour que le jus de cendre aille bien dans l'eau. Celle-là, elle est pas. Elle est lavée, mais il y a encore un peu de suin. Donc je vais la peigner avant parce qu'elle est un peu collée là. C'est comme des gros peignes à chien. Donc là, je vais lancer le rouet. Voilà. Je fais tourner la bobine. Et donc les fibres s'enroulent, se torsadent les unes sur les autres. Et je fais du fil, c'est tout bête. c'est, j'apparente ça à regarder un feu de bois en fait. Et à 6, je vais lâcher. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ça, c'est pour faire la culotte. Filet. Bah, des fois, tu passes la journée à faire ça après. Ah bah oui. Voilà. Super petite pelote de laine. Elle te plaît, la pelote de laine ? Elle est très belle. Bon, bah, on a de la chance. 38 mailles. Ensuite, deux rangs en droit. Donc, 2 mailles glissées, fil derrière, 6 mailles en droit. 6, 2, 4, 1, 2, 2 mailles glissées, 2 mailles glissées, 4, 1, 2, 2 mailles en droit, 5, 2 mailles en droit, 6, 2 mailles glissées, fil derrière, 2, donc voilà. On tourne 6 mailles en droit, troisième rang, 5, la première fois que je la vois, c'est merveilleux. Voilà, mais il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Hein. Je vois, c'est très beau. Ah oui, c'est tout doux en plus. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait penser quand même à une couverture pour un bébé ou pour un. Et c'est vrai que tout doux. C'est son viscose. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est beau.